tes bras, même agrippé à ton cou, même endormi dans mon lit, j'ai peur de tomber. À chacun de mes pas, à chacune de mes respirations, je vois du vide dans les personnes que je croise. Un trou de donut tranché dans leur chair, un trou béant qu'ils essaient de cacher, un trou qu'ils tentent de combler avec un remblai de fortune. Et ce vide m'attire, et sa profondeur me donne le vertige. Ils ont perdu des choses, ou il leur manque des victoires. Il leur manque toujours quelque chose, une chose aussi grande que le centre vide d'un donut. J'ai le vertige, même dans tes bras, même agrippé à ton cou, je ne sens rien. Rien qui ne me retienne de tomber. Ces corps ont tous fait des guerres. Ces corps ont tous été traversés par un boulet incandescent. Et ils restent là, gesticulés comme des robots qui ont des programmes. Stoïques et troués comme des donuts. Vieillissant du mieux qu'ils peuvent, avec leurs souvenirs qui dessinent d'immenses trous noirs dans leur cœur. Et ils sont inspirés de l'intérieur par leur tristesse infinie qu'ils cachent comme des secrets honteux, adressant des sourires à la terre entière, alors que leurs entrailles glissent comme des serpents vers le néant. J'ai le vertige, même dans tes bras, même agrippé à ton cou, j'ai peur de tomber. Les gens me font peur, je vois la détresse de chacun d'eux. Leur panique à peine dissimulée, semblable à un feu d'été qui embrase la pinède d'un jour de mistral. Et ils sont vite débordés, et à l'intérieur de leur tête, une voix étrange crie à l'aide dans un mégaphone. Mais personne ne leur porte secours, car chacun sait faire éteindre son propre incense. Il y a de la douleur en eux, de la douleur qui sort de leur trou de donut, en même temps qu'ils disparaissent petit à petit dedans. Qui s'effacent doucement en marquant l'empreinte de leurs grimaces dans l'air, comme des fossiles sur la pierre. Vertige même dans tes bras, même agrippé à ton cou, je tombe. Je tombe tout le temps sans jamais m'écraser nulle part. Je tombe comme une pluie spatiale qui traverse l'univers en apesanteur. Et tout le monde tombe avec moi. Tu sens toi aussi le sol se dérober sous tes pieds. Et tu tombes avec nous, sans bras pour te retenir, sans bras pour nous retenir. Et on finit par s'en foutre de se casser la gueule tout le temps. C'est une habitude qu'on prend, comme d'aller chier tous les jours. On aimerait faire autrement, mais comment ? J'ai le vertige dans tes bras, même agrippé à ton cou, tout autour de nous, rien ne dure. C'est un monde en décomposition, construit au bord d'un trou de donut. Un monde sucré qui finit par laisser un goût âpre sur le palais, qui finit par écœurer chaque noyau de chaque cellule de notre corps. Et tous ces noyaux vomissent du néant, et ils agrandissent le trou de donut. Une fenêtre sur un avenir qui ne se conjugue qu'au souvenir du souvenir. Et le vertige disparaît quand je te lâche. Je m'écrase seul au centre du trou.